Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Oui, vous êtes à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et maintenant, on accueille Simon Fidibé qui vient nous rejoindre pour sa chronique Paul is Dead. Foulard des rires! Ah! Ah, ben, moi, j'avais rien préparé. Je pensais qu'on allait juste être genre. Comme ça, relax, comme hier. Non, c'est pas vrai. Placoter puis jaser sur rien, là. Ouais, c'est ça. Comme votre merveilleux teaser qui m'a fait rire beaucoup ce matin. Tu l'as aimé? Oh oui, je l'ai aimé. C'est comme un cadeau. Spécialement pour toi. C'est gentil. C'est un hommage. Mais j'adore ça, continue. À tous les jours, j'aimerais ça être mentionné. Ah. Non, c'est pas vrai, je suis pas comme Maxime. Ouais. J'allais le dire, Maxime, qui aime ça être plugué. Non, moi, ça va. Je pense que j'ai assez de plug de toute façon. Ouais. Pas besoin de ben plus, en tout cas, sur les ondes de C'est fou. Ben, t'es un gars humble. T'es-tu en train de parler de plug que tu te fais avec, en tout cas? Hein? Non. Pas sur les ondes, mettons des plugs, en tout cas. Non, je me plug pas sur les ondes. Je veux dire, j'ai assez d'heures de diffusion avec ma voix que correct. J'ai pas besoin d'être mentionné à outrance. Bon. Ah. Hey, ça va bien? Oui. Oui. Toi? Hey, ouais, ça va très bien, oui. Ouais. Plus réveillé qu'hier. J'ai pris un café avant de venir. Très bonne initiative, comme ça, j'ai plus réveillé. C'est rare de nos jours que les gens prennent juste un café et pas un Red Bull et un café et un autre affaire. Et un... Red Bull, c'est pas... Mais ça donne des ailes! Oui, ça donne des ailes. Belle publicité. Ben, en fait... Est-ce qu'ils prennent la pub assez fou? Non. Non. Non. C'est nul. Non, attends, non, c'est super bon. Ben, on attend une caisse de Red Bull. C'est ça. Venez nous l'amener. Oui. Donc, aujourd'hui, en fait, ça va être conceptuel. Les trois prochaines chroniques vont porter sur un sujet qui se relie ensemble, c'est-à-dire le fameux couple Ono-Lennon. Et donc, cette semaine, je vous présente le portrait, un peu l'affiche signalétique de Yoko Ono. La semaine prochaine, ça va être l'affiche signalétique de John Lennon. Et la dernière, la troisième semaine, ça va être le couple Ono et Lennon. Oui, Lennon. Lennon. Il n'était pas encore, tu sais, il n'y avait pas encore ça, de donner des noms. Ouais, c'était pas encore inventé dans ce temps-là. Ça serait probablement Lennon ou O'Lennon. O'Lennon, comme un genre d'Irlandais. O'Lennon. Ah oui, les Beatles. En fait, John Lennon et Yoko Ono. John Lennon et Paul McCartney qui aimaient bien l'Irlande en plus. Ah! Ouais, à ce qui paraît. C'est le 17 mars, hein, la fête des Irlandais, hein? Clin d'œil. Saint-Patrick. Et la fête de Mathieu Plante aussi. Et l'Assemblée générale de C'est fou. Hey, grosse journée. Mais on invite tout le monde à venir célébrer les trois en même temps. C'est-à-dire ta fête, la Saint-Patrick, à l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'on va être sous, qu'on va te faire la bascule à l'Assemblée générale de C'est fou. Wow! Hey, c'est pas pire, ça. Ça va être rempli comme journée, moi qui voulais être malade ce jour-là. Non, du tout. Bon, Commençons la chronique. Ben oui, pourquoi pas. Donc, Yoko Ono, personnage quand même assez particulier, personnage que moi j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas pour des raisons X. Là. Vous doutez un peu pourquoi qu'elle n'est pas trop aimée dans le niveau de la musique. Là. On y accable la rupture des Beatles, entre autres. Mais moi, je vais essayer de vous la présenter sur un autre jour. En fait, l'affiche que je vais vous présenter est établie plutôt depuis sa naissance jusqu'à sa rencontre avec John Lennon. On ne s'occupe pas vraiment de ce qui s'est passé après. Ça va être la dernière chronique dans deux semaines. Le genre d'ici. De rassemblement. Ouais, on va tout rassembler ensemble. T'sais, on va assembler. Comme des morceaux, tu veux dire? Ouais. On va faire un coffret, je pense, aussi avec la trilogie des trois chroniques qui s'en viennent. Hey, ça serait pas fou. Ouais. Un DVD complet juste sur nos moments inconfortables depuis la dernière semaine. Ça aussi. L'autre DVD. Ouais, ça va être un. Trilogie. Hey, ça serait malade. Quadrilogie. C'est malade, on pourrait les vendre, faire de l'argent, devenir riche. Non? Ok. Bon, chronique time. Donc. Tellement matérialiste, hein. Faut faire de l'argent. Là. Non, mais en tout cas. Donc, Yoko Ono, qui naît dans une famille de banquiers, justement, parlant d'argent, ça a un lien. Elle naît dans une famille de banquiers le 18 février 1933, donc elle a 77 ans. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Ben, je savais qu'elle était née dans les années 30, mais je l'avais oublié. Ça m'est ressorti lorsque j'ai fait ma recherche de chronique. Et quand même plus vieille. Elle aurait été plus vieille que John Lennon, qui aurait célébré ses 66-67 ans cette année, donc à peu près 10 ans de différence. Donc, son père était un pianiste amateur musclé. Il était peut-être musclé, ça, je sais pas, mais habituellement, les Japonais, c'est pas nécessairement des gens qui sont très... Bon, préjugé. Ben non, mais c'est physiologique. Ouais. C'est pas grave, ils le savent eux-mêmes, ils ont pas de problème avec ça. Mais donc, c'est un pianiste amateur frustré. Donc, toute sa vie, il a été comme ça. Et il était également banquier, donc, dans la ville de Yokohama. Il a été travailler à San Francisco. Donc, gros banquier, très riche. Sa mère était fille de banquier également. Donc, c'était une famille aristocratique, les Ono. Et donc, elle est allée justement à la St. Pierre's School à Tokyo, une école privée réservée aux familles aristocrates où elle a reçu donc un enseignement de haut niveau pour les élites du Japon. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, elle et sa famille fuient les bombardements américains et vont s'installer en campagne où le luxe fait place à la misère, ce qui forge son caractère. Donc vraiment, elle a réussi à se détacher un peu de ce petit environnement douillet dans lequel elle avait grandi pour retrouver donc une campagne relativement pauvre, ce qui lui a changé un peu les esprits. Et là, il y a un lien à faire avec John Lennon. Je ne vais pas en faire tout le long, mais donc elle a fui les bombardements donc américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et John Lennon, lui, est né un soir de bombardement nazi en Angleterre en 1941-42. Donc, petit lien à faire là. Il ne doit pas s'en rappeler, lui. Hein? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir certains liens qui sont faits comme ça. Mais ça, c'est l'époque qui fait ça. Tu veux pas, tout le monde a des liens avec la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'on est né ou on était présent là. Et donc, sa famille migre à New York après la guerre où elle s'inscrit à la Sarah Lawrence College de New York. Bien sûr, donc école des arts, école théâtrale et tout. Justement, elle s'inscrit, elle suit des cours de théâtre, de philosophie, ainsi que des cours de lettres. Mais elle flirte aussi avec l'avant-garde, donc avec ses cours de philosophie et tout ce qui la monte pour être un peu justement quelqu'un avec l'esprit ouvert. Elle commence à s'intéresser aux communautés avant-gardistes. Entre autres, elle se tient. Elle est dans des cercles qui sont peuplés de Arnold Schoenberg, qui est un compositeur autrichien, et John Cage, qui est un compositeur américain. Ce sont des compositeurs d'avant-garde. Et donc, pour vous donner une idée, John Cage, lui, dans ses compositions, il a fait une composition qui se nomme 4 minutes. Et c'est 4 minutes de silence. Donc, le pianiste arrive, s'assit devant le piano, et il fait rien pendant 4 minutes. Il arrive pour attaquer, laisse ses mains devant le clavier, et il ne fait rien pendant 4 minutes. Donc ça, c'est l'avant-gardisme à la John Cage. Il y a aussi des pièces où il insérait des 5 sous entre les touches du... pas les touches du piano, mais les cordes du piano, okay. Ou des washers dans le fond, ce qui faisait résonner le piano, ce qui faisait des sons vraiment différents. C'est assez intéressant, mais c'est bizarre. Il faut être initié un peu pour comprendre, là, mais comme tu dis, t'aimerais ça. Ouais. Peut-être. Mais avec la nouvelle musique électronique de nos jours, il y a comme un pont qui se fait tranquillement pas vite entre ces deux styles-là. Mais eux autres, c'était dans les années 40, 50, 60. Donc, quand même. Et à l'âge de 23 ans, Yoko Ono est convaincue qu'elle peut devenir cantatrice. Elle se tenait trop avec des compositeurs, mais donc elle quitte le collège pour poursuivre son rêve. Malheureusement, elle n'a pas de talent, pas de voix, et elle s'évanouissait avant ses leçons de musique tellement qu'elle était nerveuse. Donc, wow. Quand t'es nerveux puis que tu veux faire de la musique, c'est pas nécessairement la meilleure des idées. Et en plus, à 23 ans, il commence à être trop tard. Si tu veux être musicien, il faut que tu commences au moins... quand tu es dans ta dizaine. Quand tu arrives à ta vingtaine, tu commences à être un peu trop... en fait, il faut former l'instrument, et surtout lorsque c'est la voix, il faut le former longtemps. Mm-hmm. Et dans la vingtaine, c'est beaucoup trop tard. Donc, pour commencer, surtout chanter du classique, même si ça aurait été de l'avant-garde, c'est quand même assez complexe et assez difficile. Elle aurait pu s'asseoir devant un piano, par exemple, j'imagine. Oui, elle aurait pu s'asseoir devant un piano, mais je crois que cette pièce-là de John Cage était seulement faite par les grands pianistes, justement. Ah, ben, il faut du temps. Pour aider l'art, tu sais, je veux dire, pas n'importe quel Joe Blow que tu vas asseoir devant un piano, puis ben justement mettre ses mains de même. Il faut que ça ait un caractère artistique. C'est comme une toile. Tu peux pas juste mettre un éléphant, puis mettre de la peinture sur la trompe, puis faire des barbeaux, puis ça vaut les millions. Tu peux pas faire ça. C'est jamais fait, ça. Hein? Paul-Émile Bordois, d'ailleurs, qui est une pièce qui s'est vendue, pas une pièce, mais un tableau qui s'est vendu à 3 millions. C'est juste une barre noire sur la toile. Ça résume tout, hein? 3 millions de dollars. Mais quand même, c'est de l'art. Ben oui, ben oui. Faut pas questionner l'art, faut questionner les motivations de l'artiste. Et ouais, ben oui, c'est voilà. Un peu la même chose. Ouais. Donc, c'est ça. Elle veut devenir cantatrice à l'âge de 23 ans. On est en 1956-57 pour vous positionner dans le temps. Et elle rencontre l'homme qui deviendra son premier mari, qui se nomme Ishiagani okay. Toshi. Ouais, Toshi. On va l'appeler Toshi, ça va être plus facile. Toshi. Ouais. Mr. T. I'm pretty de fou. Ça marcherait, ça. Donc, c'était un Japonais compositeur également qui était venu étudier la musique aux États-Unis, mais ses parents désapprouvent cette union-là, puisqu'il n'était pas d'une famille aussi aristocratique que les Ono, donc il venait d'un milieu relativement modeste. Donc, ils vivent pauvrement quand même. Dès le début de leur mariage, Ono est déjà compromise dans l'adultère et elle se fait pincer. Saviez-vous comment elle se faisait pincer pour adultère par son mari? Non. Elle revenait toujours enceinte de ses escapades. Ah. Là, elle disait quoi? Elle disait « Oh, no! » Oh, oh! Elle était bonne. C'est pas douteux, ça. C'était très bon. Merci. Ah, on est en forme. Tu en fais sinon? Oui. Elle pouvait pas devenir cantatrice. She can't. Puis she est triste. She can't est triste. Hey, comme... c'est bon, pas ça. Pire. On devrait écrire un livre, Mathieu, de toutes tes... Non? Ouais. Un kilo, peut-être. Un kilo. Ça vient de ça, c'était clair. Okay, tu devrais même commencer tout de suite l'écriture de ton livre. Pendant la chronique pour que j'arrête d'aller faire ça dans ton bureau. Kiwan, comment tu fais pour genre animer 8 heures de, par semaine avec lui et pas mourir de rire? Aucune idée. Mourir de rire. Ben, on n'est pas au Christo Show ici. Est-ce que tu as entendu l'intro du Christo Show? Juste parenthèse, même. C'est-tu l'émission de radio, ça? Oui, oui, avec Christopher non, Williams. Non, j'ai pas entendu. Son intro, là, vraiment, c'est genre... c'est un sketch, genre. Le patient est mort. Il est mort d'avoir trop ri. Il a écouté 2 épisodes du Christo Show. Ça commence comme ça, puis là, c'est supposé être une émission d'humour, puis c'est plate à chier. En tout cas, ouais, puis ça joue le soir, en plus. T'sais, c'est pas winner, ouais. Habituellement, pour les codes d'écoute, mais bon. Mm-hmm. Voilà, oui. Pauvrement et tout ça. Donc, selon ce que j'ai lu sur Wikipédia, grosse encyclopédie très, très sérieuse. Moi, je connais pas ça. Pour prouver qu'ils étaient pauvres, en fait, ils accrochaient leurs vêtements sur les murs. Lorsque tu accroches ton vêtement sur les murs, c'est que tu es pauvre. En tout cas, selon ce que j'ai lu. Tu vois, mon manteau est sur le mur. Ah, Kiwan, t'es pauvre. Hein? Ça paye pas assez ce que tu fais. Mais on est tous pauvres de toute façon. On est tous le pauvre de quelqu'un. Ben oui, hein? Effectivement. De quelqu'un voilà. De précis, bien, bien précis, oui. Ouais, ouais, ben ça peut être précis ou non, tout dépendant, ouais. Mais dans ce cas-là, ouais, on peut dire ça. C'est ça. Après moi, le mariage, donc elle divorce de Toshi, puisque ça fonctionnait pas, malheureusement. Parce que Toshi, lui, était un homme fidèle et espérait un mariage heureux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est un Toshi mauve ou un Toshi rose? Yoshi. Yo, Yoshi, ouais, oui. Mais j'y avais pensé à celle-là, par exemple. J'aurais dû mettre un copyright. J'arrête. C'est pas grave, c'est le fun. Donc, elle se remarie avec Anthony Cox, musicien de jazz, et elle donne naissance à sa première fille, Kyoko, quelques années plus tard, en 1963. Et donc, y a comme un loop de à peu près 6-7 ans où, justement, donc, elle était en relation avec Anthony Cox. Malheureusement, le couple Cox-Ono n'est pas le plus stable. Donc, il se serait menacé au couteau pendant quelques reprises, selon des témoins. Mais ils restent ensemble pour leur carrière. Donc, ce que j'ai lu, là, c'est leur carrière, pas leur fille. Les lits ensemble, c'est leur carrière, en tout cas. C'est des gens de cœur. Ben, lui était pianiste de jazz. Elle essayait de devenir cantatrice, un peu artiste sur les bars. C'est quand même de bonne guerre, si tu veux avoir du soutien, mais quand même. Avant de continuer, je pense qu'on va aller écouter une pièce de musique que je vous ai préparée. En fait, c'est une pièce en plus qui tourne pas mal. On s'appelle et on déjeune tous les matins, du lundi au jeudi. T'as pas dit que tu faisais pas de plug, toi? Il semblait que... Ben ouais, mais les autres les faire. J'ai saisi l'opportunité. Ouais. Donc, c'est une pièce qui nous vient de Kennedy avec l'aide de Yale. Elle se nomme John et Yoko. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, dans le cadre de Police Dead, dans le cadre d'Assemblage requis. Voilà, dans vos radios. Il manque rien. Non. Tu fais exprès. Oui, je fais exprès. Mathieu, pèse ses pitons. Ah, je t'ai fait perdre tellement de temps dans ta chronique, je voulais ambitionner ça. Let's go. Ça peut être une chanson anglais-français avec un Américain puis une Française ou un Anglais. Je sais pas s'il est anglais, Kennedy. En fait, c'est pas un artiste que je connais personnellement. Mais, c'est pas ton buddy? Non, c'est pas mon buddy, mais j'aime bien cette pièce-là. C'était John et Yoko de Kennedy featuring Yell. Les paroles sont excellentes. C'est ouais, super c'est, cool. C'est quand même bien. J'aime bien. Je devrais écouter ça. Comment t'appelais ça? On s'appelle et on déjeune. Ouais, tous les lundis, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Ouais, à peu près, il me semble. Ouais. J'ai entendu parler. D'ailleurs, si vous voulez en primeur, tantôt, je pourrais vous faire entendre la pub qui va rouler sur les ondes de C'est fou. J'ai entendu à ton émission, tu l'as fait jouer. Oui, je l'ai fait jouer ce matin à mon émission. Moi, je l'ai pas entendu. Ben, on la passera tantôt. Pour moi. On la présentera vrai. En grande primeur avec des roulements de tambour. Très ben cool. Oui. Puis des bips entre les. En tout cas. Ouais, il y a des bips. On l'entendra. Oui, donc on parle de Yoko Ono aujourd'hui pour ceux qui viennent de se joindre à nous. For those who don't know Yoko Ono. Yoko Ono. Ceux qui ne savent pas. Oui, c'est hey, non. James Bond versus Dr. Oh, oh no! J'aime ça. C'est pas encore meilleur, ça. Donc, je fais la fiche signalétique aujourd'hui de Yoko Ono pour présenter celle de John Lennon la semaine prochaine pour finalement terminer en parlant du couple Ono et Lennon. Et je trouvais justement qu'il y en avait trop à dire pour faire une seule chronique, parler de leur amour. Donc, je me suis dit, on va séparer ça en long. Est-ce qu'il va y avoir des suspens à chaque fin d'épisode et au résumé des épisodes précédents? On pourrait essayer de faire ça. Ouais. Mais sur comment, je vais faire mon possible. Je vais essayer de vous trouver de quoi. Capable d'en prendre. Pour aujourd'hui. Moi. Je suis malléable. Donc, lorsqu'on s'était laissé avant la pièce, justement, Yoko Ono avait laissé son mari Toshi pour aller se remarier avec Anthony Cox, un musicien de jazz dont est née de leur union leur fille Kyoko, donc en 1963. Donc, fille de Yoko Ono, qui célèbre ses 47 ans aujourd'hui. 47, 57? 70. Moi, je suis rendu. Depuis qu'on est rendu en 2010, je suis capable de calculer la distance avec les années. De 70 à 2010, ça fait 40. Qu'elle aurait eu. Non, mais 37 en 2000, donc 47 cette année. Ça marche. Bon. Ah, bon, voilà. Ben voilà. John Cage, vous avez parlé de lui tantôt, le gars qui écrit des pièces de 4 minutes de silence. Oui, la cage au folle. Oui, la cage au folle. Très, très, très drôle. Donc, il l'incite à lancer, Yoko Ono, à se lancer dans l'art minimaliste. Elle s'y plaît, mais elle n'obtient pas un grand succès. Elle monte ses premières expositions, ses premières pièces de théâtre à l'époque. Donc, on parle des années 1960, début des années 60. Et en 1964, avec la remise au jour du pop art, entre autres avec Andy Warhol, tout le monde connaît Andy Warhol, la canne de soupe Campbell et tout ça. Donc, elle s'est pas tenue avec, mais quand même, c'était le même mouvement. Et donc, elle retrouve conscience et confiance en elle et dans son art. T'avais pas parlé qu'elle était dans le coma depuis... C'est ça, exactement. Ben, elle est comme, ben, de ce que j'ai lu de ses biographies, c'est comme elle disparaît de la carte, là, où c'est assez confus de la façon que c'est placé. Mais donc, en 1964, elle se remet à l'art du jour et donc elle crée le baguisme, une technique artistique qui implique de s'enfermer dans un sac avec un partenaire de scène. Et donc... le show, dans le fond, c'est la personne qui se débat dans le sac. C'est le baggis. Sac de plastique. Non, sac une poche, là. De patates, mettons. De tissu. Ouais, okay. Genre une poche de patates. Sinon, ce serait dangereux un peu, hein? Ouais, peut-être un petit peu. Ouais. Une seule représentation. Et c'est fini. C'est bien, oui. C'est une bonne façon, justement, pour ne pas faire de rappel. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oui. Ça s'étire tout le temps, ces mots de rappel-là. Hein. Ben oui. Ben, il y en a qui avaient trouvé en musique. En tout cas, on brise les instruments, puis on brise les amplis. Comme ça, il n'y en aura plus. Mais ça coûte cher à chaque fois. Coûte cher, oui. Ouais. La même année, en 1964, elle publie son premier recueil de poèmes, Grapefruit. Et donc, c'est la même année, à moins que je me trompe, là, j'espère. En tout cas, on va savoir la semaine prochaine. John Lennon également avait écrit son recueil de poèmes In His Own Right. Et je crois bien que c'est en 1964 aussi. Mais on va laisser ça sur le hold. Je vous reviens là-dessus la semaine prochaine. Donc, son livre sort en 1964 pour la première fois. C'est un ouvrage essentiel dans lequel on peut comprendre sa démarche artistique. Il comprend sept parties, la musique, dont comme s'étouffer ou tousser, tout simplement, ouais. Qui est une pièce de musique, une performance sonore, peinture, événements, poésie, objets, films et danse aussi, qui contient un grand nombre de dessins de la main de Yoko. C'est pas profondément parler des notes qui sont pas tout à fait des poèmes, donc c'est plutôt des notes qu'elle a pris et qu'elle a lancées dans un livre sur différents sujets, ce qui nous aide plutôt à comprendre son univers. Et donc, il y a des descriptions de performances sonores ou visuelles, des objets d'installation à venir, mais des écritures simples, directes, découpées, rythmées, des textes littéraires en soi. Mais donc, c'est comme si elle a pris un cahier où elle prenait des notes de ce qu'elle voulait faire, de ce qu'elle a fait, de comment elle voudrait faire ça, qu'elle avait lancé ça sur le marché. Et ça a connu quand même un bon succès au niveau de la culture underground, donc culture... avant-gardiste. Et donc, ça a été mis dans les listes de vente de New York en 1965. Ça a été quand même très bien. Il y a eu des comptes rendus de performance également, des programmes, des réflexions sur son œuvre aussi. Et elle adhère par la suite au mouvement Fluxus, qui est un groupe d'artistes minimalistes dont sont membres Lamonte Young, John Cage et George Masiuma. Je les connais pas, eux autres, à part John Cage, là, mais... C'est habituellement ça qui arrivait avec la musique minimaliste, entre autres, mais avec les styles de musique et styles d'art, à partir de fin 1800 à aller jusqu'à aujourd'hui, tant des petits groupes fermés de 5, 6, une dizaine d'artistes qui se rencontrent, font des arts en commun et discutent et également donc, participent à des projets ensemble. Donc, elle faisait partie de Fluxus, ce premier groupe dans les années 60. Et certains critiques décrivent son art comme une synthèse des idéaux musicaux de John Cage, puisqu'elle était très proche de lui. D'ailleurs, ça me fait penser. Moi, j'ai suivi des cours de musique au cégep et mes cours d'histoire de la musique, donc la musique contemporaine, étaient donnés par une japonaise qui se nommait Mariko Sato. Je la salue si elle nous écoute. Ça m'étonnerait, mais bon. Une pianiste vraiment incroyable, très, très technique. Et elle parlait justement de John Cage une fois et elle a parlé de Yoko Ono, sauf qu'il faut savoir que Yoko Ono n'est pas nécessairement appréciée dans son pays. C'est pas une grande artiste comme on peut l'avoir aux États-Unis. Donc, lorsqu'elle a dit Yoko Ono, c'est pratiquement comme si elle crachait le mot. Elle avait un peu honte de dire, tu sais, que John Cage se tenait avec Yoko Ono, que c'était son ami. Mais bon, c'est comprenable parce que la vision des Japonais de Yoko Ono est très, très différente, très, très détachée. Il la voit pas vraiment comme une artiste de premier plan. Il la voit plus comme la copine de John Lennon. Un peu comme en Angleterre, les jeunes non plus trippent pas vraiment Yoko Ono. C'est un peu la André Waters, là, finalement. Oui, André Waters, qui est très, très apprécié au Japon, mais pas au Québec. Exact. Donc, c'est un fait peu connu. Oui, mais on peut dire au grand jour maintenant. Mm. À moins que son père, Sylvain, vienne nous casser là, à l'air. Là, c'est un coup bas, ça. Ben là, je reprends un joke d'un autre. Là. C'est pas si pire que ça. Vous avez pas écouté le Bye Bye, non? Pas Bye Bye, c'était l'affaire de Tout le monde en parle. Avec RBO. Non? Il y avait une joke là-dessus. En tout cas, cool. Peu importe, on va passer. C'est cette heure de Yoko Ono, donc, qui est une autre de ses... je recommence. Une autre de ses influences, c'était par ses critiques, était un artiste contemporain japonais qui se nommait Yaoi Kusama. Donc, ses activités impliquaient la nudité, sûrement inspirée de la célèbre pochette de John Lennon et Yoko. Album Two Virgin, donc les deux paraissent nus sur cet album-là. Mais ça, on va en parler dans la deuxième partie. Donc, la semaine prochaine. Non, dans deux semaines. Ouais. Donc, Yoko, qui est une exploratrice aussi de l'art conceptuel. L'une de ses plus célèbres performances artistiques, celle-là, c'est vraiment génial. Le concept est très bon, je trouve. Ça se nomme Cut Piece. C'était présenté en avant-première au Carnegie Hall de New York. C'est pas n'importe quoi, c'est une grande salle à New York. En 1965, performance durant laquelle elle était assise sur scène et elle invitait les spectateurs à prendre une paire de ciseaux géantes pour découper ses habits. Elle était habillée en habits traditionnels japonais. Et donc, les gens montaient sur scène, venaient couper des petits morceaux jusqu'à temps qu'elle se retrouve complètement nue. Donc, c'était pour, en fait, dénoncer la tradition japonaise, donc des femmes bien habillées, toujours un peu geisha, là, avec les petits souliers, le visage poudré, des choses comme ça. Mm-hmm. Et donc, c'était sa façon de revendiquer un peu, en 1965, sa vision, si on veut, présenter sa vision du peuple japonais à travers cette pièce-là. Elle a été vraiment applaudie pour ça. Et John Lennon, pour sa part, lui, a décrit Yoko Ono comme l'artiste inconnue la plus célèbre du monde avant-gardiste. Tout le monde connaissait son nom, mais personne ne savait qui elle était. Ses amis et amours dans le monde artistique... Non, ça, c'est une autre phrase qui n'avait pas rapport. Cool. Ouais, cool. Enfin, j'avais copié-collé ce petit statement-là. Je voulais pas le réécrire. Linux, hein? Mais non. Donc, voilà, pour le 9 septembre 1966, alors qu'elle monte sa première exposition à Londres, exposition de d'art contemporain, différentes choses qu'elle a créées, le 9 septembre 1966, John Lennon est invité en avant-première à aller visiter la galerie. Événement, entre autres, qui a été filmé pour la télévision. Et c'est là qu'il rencontre Yoko Ono. Et le reste, ben, on va en parler lorsqu'on sera rendu à cette fameuse... histoire de John et Yoko. Est-ce qu'ils ont eu le coup de foudre? Est-ce qu'ils sont devenus amis? Est-ce qu'ils se sont détestés? Est-ce que finalement John et Yoko ont jamais été ensemble? C'est ce qu'on saura la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça sera la figure signalétique, la fiche signalétique de John Lennon, un peu ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il rencontre Yoko. Puis on parlera pas des Beatles, ça va être vraiment John Lennon, sa carrière, sa vie personnelle à lui. Et par la suite, ça sera les relations entre John et Yoko. Et là, on n'a pas le choix d'inclure les Beatles, par contre, si on veut en parler, parce qu'il est pratiquement devenu membre du groupe lorsqu'il a commencé à sortir avec John. Ben, merci beaucoup, Simon. Ben, ça fait plaisir. On te retrouve à toutes tes émissions. Oui, toute la semaine. À m'emmener, vous avez juste à syntoniser en quelque part dans la journée. Je pense que je suis là tous les jours à cette heure. À part le samedi, même. À part le dimanche. La seule journée, je ne suis pas là, c'est dimanche. Il n'y a rien dimanche. Ben, c'est ça. En général. On est fermé. Merci encore, Simon. Salut. À la semaine prochaine. Donc, tu es encore en train de travailler là-dessus. Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je ne sais toujours pas ce que c'est. Ben, là, c'est un vibromasseur. Il me semble que c'est évident. Ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17 heures à C'est fou.